et Créma ou La clé de la largesse de Philomène Bohossou, lu par K00 pour audiocité.net. Son histoire est celle d'une créature pour qui la vie semblait toute tracée. Faire la petite école, se marier, avoir des enfants et passer ses journées à s'occuper de son foyer. Ce genre de vie semblerait sans attrait pour certains. Pourtant, c'était ce que Ekrema Delik souhaitait pour son passage ici-bas. C'est-à-dire une petite vie tranquille, sans histoire, sans embrouille, sans grandeur. Pourtant, la vie allait décider autrement pour cet être. La vie allait réserver tant de choses à celle-là même qui réclamait peu de choses. Peut-être allait-elle se demander Ekrema à un moment donné de son existence que la modestie de l'existence qu'elle se souhaitait avait irrité le destin au point qu'il a sans doute décidé de la traquer. Elle ne saurait jamais, et ce jusqu'à la fin de ses jours, pour quelle bonne raison la vie s'était autant acharnée sur sa modeste personne. Elle eut à traverser de dures épreuves à Sarajevo, où elle s'était sentie persécutée par la vie, la pire même des vies en fait. Son cauchemar commença lorsque la guerre éclata en Bosnie-Herzégovine. La Bosnie avait proclamé son indépendance le 1er mars de l'année 1992 vis-à-vis de la grande Yougoslavie qui, mécontente, va envoyer l'armée populaire yougoslave le mois suivant pour mener une guerre d'agression et d'extermination de ses populations. Cette épuration ethnique, pilotée des mains de meurtre par des politiciens haineux aux idéaux semblables à ceux de Hitler. Elle perdit alors son père, Osman Delik, ses trois frères, son mari Philippe, et leur fils, Sulch, de 19 mois. En somme, elle perdit dans cette folie humaine presque toute sa proche famille en Bosnie. Elle fut contrainte, pour espérer avoir la vie sauve, de fuir sa patrie en sang et à feu, pour emprunter des sentiers de cauchemars à l'encontre de labyrinthes majeurs. Elle se plaisait souvent lire et relire un petit mémoire qu'elle avait intitulé « Le carnet d'un temps de guerre », dans lequel elle avait pris soin d'écrire de sa propre main ses vécus durant la guerre, dans le but de sauvegarder ses souvenirs, ceux qui l'avaient marqué durant cette période-là. Ainsi, la dernière page, elle avait écrite en étant dans l'avion qui lui coupait définitivement son cordon avec l'horreur de la guerre en Yougoslavie. Ce jour-là, quand l'avion décolle, enfin vers 13h, direction Berlin, ce que je ressens en ce moment-là m'est totalement inconnu. C'est une sensation d'être en train de laisser derrière soi sa vraie vie pour se diriger vers une autre qui ne sera jamais pour soi celle qu'on aurait voulu, c'est-à-dire celle dont on a jeté les dés depuis notre naissance. Et à chaque distance franchie, cette sensation grandissait un peu plus en moi. Un peu comme si je partais vers une vie étrangère. D'ailleurs, je sais au fond de moi que cette nouvelle vie va être très très très éprouvante. Je sais malheureusement que je pars en ce mardi 23 novembre 1993 en Allemagne, au rendez-vous que m'a fixé la souffrance depuis le jour fatidique du dimanche 22 novembre 1992. Quant à Sarajevo, j'ai perdu tous ceux qui comptaient le plus ici-bas pour moi et que je me suis retrouvée sans personne et surtout sans défense face à toute cette horreur. Elle avait eu plus de chance car elle s'en était sortie avec des brûlures dans le dos. Après, prise par les soldats, elle avait été malmenée puis embarquée avec des milliers d'autres Bosniaques. Ils furent transportés dans des wagons loin de Sarajevo où pourtant, elle avait de tout temps vécu avec sa famille vers des camps de concentration dans lesquels les captifs avaient l'impression d'être des condamnés, attendant dans l'anxiété que sonne malheureusement pour eux le gong de la mort. 2 semaines dans ce camp où elle avait souffert de voir et d'écouter les nombreuses exterminations des moins chanceux, tués comme des bêtes par les soldats. Il leur disait cruellement, tout le temps, avoir pour but de parvenir à une épuration ethnique en les exterminant. Franchement, il n'existe pas de mot plus exact et plus fort qui qualifierait au mieux cette décision d'épuration ethnique programmée, ces barbaries de la pire espèce, ces formations inhumaines de camps de concentration, ces charniers dégoûtants, ces viols publics de femmes et ces démembrements qui ont eu lieu sur le territoire de la Bosnie. C'était tout simplement une folie humaine primitivement aberrante. Elle ne saurait jamais au juste ce qui se passa dans la tête de cette bande d'assassins, mais une nuit, comme par miracle, ils les transportèrent sans aucune forme d'explication rationnelle dans des camions, jusque dans une forêt non loin de la frontière, et dont les prisonniers relâchés marchèrent dans des pistes afin d'éviter les éventuels soldats ennemis. Ils arrivèrent quelque temps de marche après, dans le pays voisin, dans un camp de réfugiés. Plus tard, elle réussit difficilement, mais elle obtint tout de même un droit d'asile qui lui permettait d'immigrer en Allemagne. C'était de partir pour ce pays, ou au moins, elle trouverait plus facilement du travail pour survivre. Elle prit l'avion alors pour Berlin quelques jours après. Arrivée dans la capitale allemande, elle exerçait toutes les tâches qu'une réfugiée de 21 ans pouvait supporter pour gagner de l'argent honnêtement pour se nourrir, se vêtir et se loger. Son meilleur travail fut celui où elle travaillait dans un grand restaurant. Ekrema était satisfaite d'un travail, enfin. Elle louait avec deux autres réfugiés yougoslaves une petite chambre qui avoir serait bien mieux pour un labrador de riche. Son travail au restaurant lui permettrait si possible de se prendre seule un studio bien. Elle le savait car la paie était élevée et les pourboires généreux et fréquents. Mais un beau jour, elle s'était faite mettre à la porte. Et pour cause, elle avait menti volontiers pour protéger une place au détriment de la sienne, bien entendu. Elle l'avait fait pour aider Tuline, une vieille femme turque bouffée par la vie. Partie de là, elle traîna encore une fois de job en job sans parvenir à se stabiliser. Une nuit, alors qu'elle se rendait à un travail de serveuse dans un bar, elle fut embarquée par la police. On l'embarqua en même temps que plein d'autres filles, dont la plupart exerçaient le plus vieux métier du monde. Aussi, les accusant toutes de prostitution, passèrent-elles toute la nuit dans un commissariat minable. Relâchée, elle préféra arrêter ce boulot de serveuse pour lequel elle se confondait à une prostituée. Elle reprit de nouveau le travail de domestique de maison, mais là encore, pas de chance. Son nouvel employeur, un enseignant alcoolique, lui donna des claques 5 mois après l'avoir engagée parce que sa bouteille de whisky était vide. Il l'accusait d'avoir confisqué l'argent des courses, raison pour laquelle son whisky manquait à l'appel. Elle ne réfléchit pas par deux fois et quitta la maison de cette espèce de névrosée avant que le pire ne vienne lui tomber dessus. Elle se sentait de plus en plus traquée et poursuivie par la poisse. Oui, cette maudite poisse. Elle ne voulait pas se laisser ainsi faire. Elle devait réagir pour ne pas se laisser bouffer par la vie. Elle décida de la contre-attaquer. Sa vie sans embrouille qu'elle souhaitait d'antan était devenue par la force des choses une vie avec les 1000 embrouilles. Pourquoi ne pas s'y mettre à cœur joie alors? Elle se disait, c'est moi qui vais m'arranger à traquer cette vie de merde, à ne pas me soucier des convenances, de ce qui peut m'arriver, à bousculer l'ordre des choses. Je veux laisser ma marque, quitte à être mal jugée, je l'assumerai. Et puis, l'avenir dira si j'ai eu raison ou tort. Qui sait si le destin retiendra de cette façon la leçon? Ce défi, elle se le lança 3 ans après son arrivée en Allemagne. Elle réfléchit toute une journée à ce qu'elle allait faire de mieux que tout ce qu'elle avait eu à faire jusque-là. Et elle jurait de ne pas se soucier des conséquences quand elle ferait son choix. Et elle finit par trouver enfin, vers 23h ce jour-là, elle voulait devenir chauffeur de taxi. Oui, rouler un taxi. Pourquoi pas, s'était-elle dit, puisque j'ai en plus mon permis de conduire. Ses colocatrices éclatèrent en cœur de rire quand elle eut à faire part de sa nouvelle décision. Elle comprenait leur réaction. Ces filles croient bêtement qu'il n'existe pas pour elles, dans ce pays de refuge, un autre métier que de servir dans les bars. Alors, elle pouvait bien rigoler qu'elle veuille, elle, devenir chauffeur de taxi, non? Et Ekrema, elle, était bien décidée à poursuivre son nouveau rêve. Aussi, très tôt, le jour suivant, alla-t-elle voir une agence de taxi non loin de chez elle. Au moins, elle ne payait pas le transport pour s'y rendre. Elle n'avait pratiquement plus un sou. Comme elle s'y attendait, le patron de l'agence, nommé M. Müller, refusa catégoriquement de l'engager. Sa réponse, la voici. « Miss Delic, écoutez, vous êtes une femme, et je n'ai pas de femme parmi mes conducteurs. Et désolé pour vous, parce que je ne suis pas non plus disposée à commencer à en faire l'expérimentation. » Elle se mit à le supplier de lui laisser une chance de se faire valoir avant de les conduire sur base de préjugés. Mais il lui dit, d'une voix sans réplique, « N'insistez pas, mademoiselle, parce que je ne suis pas du genre à revenir sur mes décisions. Et puis, moi je ne me laisse jamais amadouer par les lamentations des femmes. Vous allez dire que je suis un goujat, et honnêtement, je ne te le cache pas, j'en suis un. Allez voir une agence de placement de domestique ou de serveuse de bar, ou je ne sais pas. En tout cas, un coin de métier de ménage, quoi. C'est là-bas qu'on a besoin vraiment de bonnes femmes comme vous. Moi je ne veux pas de femmes chauffeurs de taxi, désolé. Et partez maintenant, car j'ai énormément de travail. » Elle ne se laissa pas impressionner parce qu'elle percevait derrière la sérénité de cet homme, un cœur plein de bonté. Il parlait comme son père. Dur de parole, mais gentil comme tout, si vous savez vous y prendre avec eux. Cependant, il lui fallut revenir insister et persister plusieurs jours avant de finalement vaincre la méfiance et le préjugé à l'égard des femmes de M. Müller. Il la laissa suivre une formation utile pour conduire à Berlin et la faire laisser par la suite faire un essai. Quand après son essai concluant, elle fut bien engagée, le même jour, elle téléphona à Zenan. Son seul proche parent restait à Sarajevo. Elle lui apprit toute fière qu'elle était maintenant chauffeur de taxi en plein Berlin. Celui-ci, après un court silence, lui dit que ce n'est pas un boulot pour les femmes. Alors, déçue et même offusquée par son attitude, elle avait rétorqué que si, pourtant. Son premier vrai jour de travail, elle était toute élégante, dans une tenue propre au chauffeur de taxi berlinois. Les gens, évidemment, la regardaient avec curiosité, réaction normale, puisque ce n'était pas très courant de voir des femmes au volant d'un taxi dans le monde en ces années 1996. Elle se souvint des commentaires de quelques clients bavards. L'un d'eux, la langue bien pendue, lui déclara un jour « Là, j'avoue que je ne suis pas tout à fait rassurée de voir que c'est une femme qui me conduit, car les femmes, on sait tout de même ce que c'est, hein ? Un truc brusque sur la route, et c'est la panique avec leur cri piquant « Hi, hi !» qui a le chic de me mettre hors de moi. » Et Créma ne répliqua pas, car visiblement, cet homme était sans respect. Un autre jour, cette fois, un autre client en compagnie de sa sœur disait « Je suis plus tranquille quand c'est une femme qui est au volant. Cela me procure l'assurance parce que les femmes ont la tête bien sur les épaules, à la différence de nous autres les hommes. Et comme elles sont plus prudentes de nature que nous, elles respectent mieux les règles de la conduite. Je vous tire mon chapeau, madame, d'exercer jadis ce métier catalogué aux hommes, ces chauffards. » Allez-y comprendre quelque chose. Qui dit vrai? Qui a tort? Elle savait seulement que personnellement, quand elle conduisait, elle avait toujours conscience de tenir entre son volant la vie de ses clients. Une nuit, alors que tout se passait bien jusque-là, un client qu'elle avait pris dans un quartier résidentiel l'avait violemment agressé, volé, puis abandonné, sans même avoir eu à se servir d'une arme pour l'intimider, que seulement de sa force physique de mâle supérieur. Cette nuit-là, étendue, assommée sur le trottoir, après la fuite de son agresseur, un jeune homme menu, à peine sorti de l'adolescence. Elle comprit alors le sens profond de cette affirmation de son oncle. Être chauffeur de taxi n'est pas pour les femmes. Il avait pleinement raison. Elle fut secourue, après le départ de son agresseur, par un homme qui passait au volant d'une belle voiture et la trouva là, étalée, à côté du taxi. Il la conduisit à l'hôpital, où on s'occupa bien d'elle. Il y avait en réalité plus de peur que de mal. Elle n'avait que des bleus, au cou, au bras. Son sauveur travaillait au service d'un homme très puissant. Il était son chauffeur depuis des années. Il lui dit que justement, la femme de son employeur voulait faire engager un autre chauffeur, spécialement pour conduire ses enfants à l'école, à la nouvelle rentrée dans quelques semaines. Alors, il lui fit la promesse de les convaincre de l'engager. Ainsi, elle roula encore le taxi jusqu'à la rentrée avec des précautions cette fois-ci, comme des bombes puantes, l'acquisition de quelques méthodes d'autodéfense apprises auprès du sympathique fils de M. Müller. Par chance, elle n'eut pas à s'en servir. Seulement, elle était très méfiante et préférait de loin embarquer des clients, ce qui éliminait les risques de se faire agresser. Réaction normale quand on a déjà dû subir les muscles masculins d'un voleur déguisé en doux client. Elle débuta chez les Aschenbrenner, dans la propriété de ses employeurs dans la banlieue de Berlin. Elle était chiquement logée. Elle, la réfugiée bosniaque, touchait ainsi, sans y goûter, à la richesse de cette famille de renom, en conduisant cette Mercedes de luxe de leurs deux enfants. Un jour, cité dans un scandale financier, son patron, Frank Aschenbrenner, eut la visite de journalistes de la presse à scandale. L'un d'eux, l'ayant remarqué dans sa tenue de chauffeur, lui proposa d'écrire un article sur elle. Elle accepta, après avoir consulté ses employeurs, bien entendu. Et l'article que le journaliste intitula « Réfugiés et femmes chauffeurs » accrocha plein de lecteurs dans le pays. Elle voyait les gens de plus en plus s'intéresser à elle quand elle était en tenue de chauffeur au volant de la voiture, surtout que l'article avait été illustré par sa photo. Des semaines plus tard, une femme journaliste lui dit qu'elle désirait effectuer un reportage télé sur elle pour parler un peu de sa profession de chauffeur. Et évidemment, elle accepta encore. Le reportage accrocha encore plus de gens. Et Créma passait aux yeux de ses amis et compatriotes yougoslaves en Allemagne pour une vedette. Dans ce reportage, Créma disait entre autres « Ma meilleure recette en tant que chauffeur de taxi, je m'en rappellerai toujours, c'était un mercredi, aux environs de 9h, j'ai pris un homme. Il devait avoir la quarantaine passée en tout cas. Je l'ai pris à l'aéroport Berlin-Schönefeld. Il est monté avec une énorme mallette et son téléphone mobile sur son oreille. J'ai rangé alors le reste de ses nombreux bagages dans le coffre du taxi avant de le rejoindre dans la voiture. Il parlait encore au téléphone. J'ai conclu en voyant son téléphone portable qu'il devait être probablement riche. Car, par ces années-là, le mobile nouvelle génération qu'il possédait n'était pas à la portée de toutes les bourses. Cela démontrait donc parfaitement son statut social, même si on dit que l'habit ne fait pas toujours le moine. Bref, je lui ai demandé où est-ce que je devais le déposer, et sans interrompre sa conversation téléphonique, il m'a fait signe de la main de rouler. Alors j'ai haussé les épaules et j'ai pris exprès la direction de la ville où l'on rencontre habituellement le plus d'embouteillages. Qui est fou, comme dirait ma mère, pour ne pas profiter d'une telle occasion, hein? Et surtout que mon client lui-même ne se souciait pas trop de cela. Apparemment trop occupé à téléphoner et à prendre par moment en même temps des notes dans un petit ordinateur portable qu'il a fait sortir de sa mallette. Moi, je ne saisis pas un traître mot de ce qu'il disait, car il parlait en hindou ou en malais, quelque chose comme ça en tout cas. Vous n'allez pas me croire, car moi-même, jusqu'aujourd'hui, je n'en reviens toujours pas. Je vous jure que j'ai roulé sans pause durant 8 heures de temps avec ce même client, scotché soit à son téléphone, soit à son ordinateur, ou soit aux deux à la fois. Incroyable! J'ai roulé au point qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir peur qu'au finish, il refuse de me payer en m'accusant d'escroquerie, en faisant preuve évidemment de mauvaise foi. Je roulais sans but et je me disais que cet homme devait être fou d'avoir ainsi envie de gaspiller de l'argent, qu'il a sans doute acquis sans aucun effort. Sinon, comment comprendre son attitude? Vers 15 heures, il m'a ordonné, dans un allemand étrangement très propre, de m'arrêter devant une pâtisserie et de l'attendre, sans couper mon moteur. Bien entendu, pour que le compteur puisse fonctionner encore, il est descendu, est rentré dans la pâtisserie et est remonté en voiture avec des croissants et des canettes. Il m'a dit de rouler, par où je voulais, quand je lui ai dit de me dire où on doit aller. Alors j'ai pris par hasard une direction en haussant encore une fois les épaules. Quel client étrange. Il m'a alors gentiment remis des croissants et 2 canettes bien glacées. Sûr que j'en avais besoin à mort. Je ne me suis pas fait prier avant de les accepter, car j'étais affamée. Je mangeais en roulant, je roulais pratiquement dans les mêmes rues, tandis que mon client téléphonait et grignotait ses croissants. J'étais fatiguée, mais une réfugiée telle que moi doit surpasser la fatigue pour s'en sortir. Ce n'est qu'à 17 heures qu'enfin il m'a dit de le déposer au Hilton Hotel à Gendarmenmark, ce prestigieux hôtel 5 étoiles. Il était plein aux as, évidemment, ce monsieur. Je l'y ai déposé 30 minutes plus tard, je lui ai communiqué le cœur battant la somme colossale au compteur de mon taxi. Sans un commentaire, il m'a tendu une épaisse liasse de billets de banque en me disant de garder la monnaie. Et quelle monnaie ! Une monnaie qui valait bien 5 fois le coût de sa course. Cela me confirmait qu'il était vraiment plein aux as. Je lui ai dit à plusieurs reprises merci alors que j'enlevais ses bagages du coffre. Il rangea enfin son mobile et me déclara toujours dans un allemand plus correct que le mien. « Oh non, je vous en prie, ce n'est vraiment rien. C'est plutôt à moi de te remercier, car sans le savoir... Vous m'avez porté chance. Toutes mes affaires ont marché. Je suis superstitieux, vous voyez. Et quand j'allais monter dans votre taxi, j'étais en train de traiter au téléphone une affaire très improbable. Et du coup, ça a marché. Alors, très superstitieux, je me suis dit que ça doit être vous. Aussi, ai-je décidé de profiter et traiter d'autres affaires en cours dans votre taxi. Et, je vous jure, chose extraordinaire, tout ont marché. Ou alors sont en bonne voie. Donc, c'est à moi de vous témoigner ma gratitude, et j'aurais voulu vous donner plus, mais voilà, je suis limité en liquidité. Au revoir et merci, vous portez chance, c'est un don unique. » Il devait être vraiment superstitieux, ce Richard Asiatique, pour croire en de telles sottises. En tout cas, moi, son généreux pourboire m'a permis d'expédier de l'argent à mon oncle, depuis le temps que je lui en avais fait la promesse. J'ai aussi et surtout pu acquérir un poste téléviseur pour le mettre dans la petite chambrette que je partageais dans le temps avec les 2 filles croates. Un jour encore, après le succès du reportage télé, un promoteur engagea Ekrema pour une campagne de pub, pour le compte d'un concessionnaire automobile. Là-dedans, on pouvait la voir, dans un spot, toute joliment maquillée et élégante, sur les chaînes de télé, ou conduisant une splendide voiture de sport où elle vantait ses atouts. Le packshot final disait « sensualité, virilité et prestance à la fois ». Elle gagna une bonne somme d'argent et arrêta de travailler comme chauffeur au service des Aschenbrenner. Sa popularité grandissante, elle fut contactée par une réalisatrice pour jouer dans une série télévisée, où elle jouait le rôle d'une femme flic déguisée en chauffeur de taxi, dans le but de mieux infiltrer le milieu des prostituées et des criminels. La jeune femme bosniaque eut du mal au début à entrer dans la peau de son personnage, mais à force de persévérance et de travail, elle le réussit finalement avec brio. Premier coup d'essai, coup de maître. Le feuilleton avait le succès escompté par les producteurs. Les propositions dans le 7e art affluèrent donc pour Ekrema. Elle nageait alors de succès en succès, et son compte en banque en témoignait d'ailleurs bien. Lorsque vous lui demandez comment elle explique toute cette gloire, elle vous répond toujours par cette même tirade. Lorsque je travaillais dans un restaurant, j'ai aidé Tuline, une vieille turque, à garder son emploi en me faisant passer pour coupable alors que c'est elle qui avait renversé. Par mégarde, devant plusieurs témoins et moi, une étagère remplie d'objets anciens en porcelaine d'Orient. Je lui ai promis de l'aider parce que cette femme aurait eu du mal à retrouver un autre bon emploi. Je savais aussi que sans travail, elle mourrait de faim dehors, dans le froid. J'ai été prise de pitié en voyant ses lamentations, alors volontairement, je lui ai promis d'endosser sa faute à l'arrivée de notre employeuse. Et alors, j'ai été renvoyée à sa place. Quand je quittais alors le restaurant, Tuline a tenu à me dire ceci. « Il est certain que tu as insisté pour que j'accepte que tu sacrifies ta propre place pour moi, ma chère enfant. J'en ressens déjà des remords. Par ailleurs, je tiens à te dire une chose très importante, à savoir que faire du bien à une femme âgée sans défense, c'est posséder la clé qui ouvre la porte de la largesse. Tu seras célèbre parmi tes camarades. Crois-moi, ma fille. » Maintenant, j'ai la preuve que ce n'étaient pas des paroles en l'air. Ekrema se maria avec Marc Bischoff, un riche dirigeant de club de foot. Une année après, elle eut une fille qu'elle baptisa Sulj, comme son fils tué pendant la guerre. Sa fille, Esther Sul Bischoff, était sa nouvelle vraie raison de vivre. Elle était heureuse de sa vie avec Marc et leur enfant qui grandissait bien. Et quand vous lui demandez de vous parler de sa rencontre avec son renommé mari d'antan surnommé le bourreau des cœurs, elle rit et vous dit « Mon histoire avec Marc n'est pas très banale. Je l'ai rencontré pour la première fois devant le Dauphin Bleu, un club de gym hyper classe que fréquentait 3 fois par semaine Flora, la sœurette de Monsieur Aschenberner. Vous savez comment sont les employeurs, j'étais engagée pour conduire les enfants. Mais quand les enfants étaient à l'école ou en congé, Flora me demandait de l'accompagner par-ci, par-là. Je la conduisais donc, des fois, dans ce club, et je l'attendais dehors, près de ma voiture, ou dans un café en face, durant son heure de gym. C'est ainsi qu'un jour, Marc, que je ne connaissais ni de nom, ni de visage, sortant du club après sa gym, m'a vu adossé à la voiture, dans ma tenue de chauffeur, avec ma casquette toujours bien mise. Et il m'a regardé avec curiosité, comme d'ailleurs beaucoup de gens avant d'aller rejoindre sa voiture. Et puis soudain, il est redescendu et est venu vers moi avec un sourire charmant au coin des lèvres. Il m'a salué et m'a demandé si cette tenue signifiait vraiment que j'étais chauffeur. J'ai souri alors et sans m'offusquer, comme toujours, quand des curieux me questionnent ainsi, je lui ai répondu par l'affirmative. Il m'a alors serré la main et m'a félicité, en me disant qu'il était très sincèrement impressionné de voir une jeune fille embrasser une carrière d'homme. Il a commencé à me faire la conversation. Et puis après, il m'a demandé si j'étais yougoslave. Et je lui ai demandé comment il l'a deviné. Alors il m'a appris qu'il était dirigeant de club de foot et qu'il a 3 footballeurs de l'ex-Yougoslavie dans son club et qu'il reconnaît le même accent chez moi. Et il m'a dit avec sympathie qu'il adorait ma façon de parler l'allemand. C'est ainsi que par la suite, à chaque fois qu'il me rencontrait devant le club, il venait parler avec moi. Et puis un jour, ma petite patronne Flora, m'ayant vu parler avec lui, m'a demandé ce qu'il me voulait. Je lui ai dit « Non, rien d'important. » Il me taquinait un peu à cause de mon accent. Et Flora m'a dit de me méfier et de faire très attention à moi, parce que cet homme jouissait d'une très mauvaise réputation dans leur milieu riche. Il était un célibataire endurci et très volage. Il avait la sale réputation d'être un fin croqueur d'un genre particulier de filles, c'est-à-dire des filles à papa, blondes aux yeux bleus et aux allures de mannequin. Moi alors, je ne voyais pas en quoi je devais donc me méfier, puisque je n'étais ni fille riche, ni blonde. Dans ma tenue rétrograde de chauffeur aussi, j'avoue que j'étais très loin d'avoir des allures de mannequin. Et en plus, j'avais des yeux noisettes. Je ne suis donc pas son genre. De toutes les manières, cet homme ne m'a jamais dragué quand il venait parler avec moi. Après cela, Flora ne m'a plus jamais demandé de l'emmener au club Dauphin Bleu. Elle y conduisait elle-même sa propre petite voiture. Et moi, je m'en fichais. C'était un bon débarras d'ailleurs, pour moi, comme je le disais à la gouvernante de la résidence. Et puis, un jour, quand je suis devenue actrice, que j'ai eu mon propre appartement et que j'ai payé ma voiture, une amie comédienne aussi, m'a aussi encouragée à m'inscrire dans ce même club Dauphin Bleu, toujours réputé. Donc, une fois par semaine, j'y allais conduite par mon chauffeur. C'est ainsi que j'ai revu Marc. En fait, je l'avais oublié depuis longtemps, tout ce temps, 3 ans pour être exact. C'est lui qui m'a reconnu, alors que j'étais en train de faire du vélo dans le club. Il m'a aidé à me souvenir de lui et je me suis du coup rappelé. Je lui ai dit que c'était incroyable qu'il soit aussi physionomiste. Il m'a dit qu'il a été très déçu que je ne sois plus revenu au club. Et puis, quelque temps après, il dit avoir été agréablement surpris de me voir à la télé, dans un reportage et ensuite dans un spot et dans les films. Il était content de mon succès. Évidemment, Marc et moi avions échangé nos coordonnées. Et c'est ainsi que tout est parti, jusqu'à ce qu'il me demande en mariage des mois plus tard. Ainsi s'achève l'histoire d'Ekrema Fatima Delik Viskov, la réfugiée bosniaque qui voulait une petite vie et qui pourtant a eu une grande vie pour avoir sans doute quelque part eu l'audace de vouloir exercer un métier d'homme ou alors peut-être pour avoir sacrifié un boulot pour aider une vieille femme.